24.2, compréhension auditive, phase 1, regardez les images ci-dessous et écoutez les textes qui leur correspondent. 1. Ah, ma petite Denise, c'est toi? Ah, je suis bien contente que tu téléphones, tu tombes bien. Écoute, viens donc demain. 2. Ah, mon petit Robert, vous voilà, comme je suis contente de vous voir. Ah, comme vous ressemblez à votre maman. 3. Là, tu travailles trop, ça finira mal. Tu vas me faire un infarctus. 4. Mais asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous en prie. 5. Alors, comment allez-vous? Comment trouvez-vous Paris? Qu'est-ce que vous avez vu? 6. Je te présente M. Taylor, qui nous arrive des États-Unis. Robert, Mireille Bello, ma filleule, c'est presque notre fille. 7. Oh, toi, tu es jalouse. Toi aussi, c'est notre fille. Phase 2. Écrivez la lettre qui identifie chaque texte que vous entendez sous la photo correspondante. A. Ah, ma petite Denise, c'est toi? Ah, je suis bien contente que tu téléphones. Tu tombes bien. Écoute, viens donc demain. B. Je te présente M. Taylor, qui nous arrive des États-Unis. Robert, Mireille Bello, ma filleule, c'est presque notre fille. C. Là, tu travailles trop, ça finira mal. Tu vas me faire un infarctus. D. Oh, toi, tu es jalouse. Toi aussi, c'est notre fille. E. Mon petit Robert, vous voilà, comme je suis contente de vous voir. Oh, comme vous ressemblez à votre maman. F. Mais asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous en prie. G. Alors, comment allez-vous? Comment trouvez-vous Paris? Qu'est-ce que vous avez vu?